Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. En fin de semaine, il y avait un tournoi de deck hockey à Saint-Prime et il y avait 18 équipes qui se sont présentées. Et en classe D, c'est l'équipe de Azuco Division qui a défait deck hockey Saint-Nazaire. En classe E, victoire de deck Saint-Nazaire sur Abzac Drummondville. Au niveau récréatif, gain des Beavers sur le deck hockey Saint-Prime. Et en finale fille, les Blackhawks ont défait l'équipe des Bonnes Arrows. Et le responsable du tournoi, Dominique Colbeau, était quand même content malgré qu'il y avait 18 équipes. Selon lui, il faut penser plus que c'était une année de rodage. Le nombre d'équipes, 18, c'est sûr que c'est pas astronomique. Mais il faut regarder aussi qu'avec la fin de semaine de la traversée, il y a beaucoup d'activités un peu partout. Tournoi de hockey sur glace. Moi, si je vois avec l'optique d'un premier tournoi, si je compare à Québec, semble comme des hockey par neuf, qui a une surface extérieure, qu'eux, ils ont commencé environ dans ces environs-là. Je trouve que c'est quand même acceptable. Mais il y a aussi plusieurs points positifs à reprendre de ça, c'est qu'il y avait beaucoup de spectateurs qui se sont déplacés, malgré qu'il y avait beaucoup de... Parlons maintenant, dans un deuxième temps, on va parler maintenant du côté du soccer. Il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues de soccer hier. D'abord, à noter que dans le U16 masculin, le Boreal d'Allemagne défait le Dolbeau-Missassini par le pointage de 17-3. U12 masculin, Dolbeau-Missassini 5, FC de Saint-Félicien 1. U16 féminin, Robertval 7, Métabetchouan-Nakalakroix 1. Et ça faisait pas mal le tour de ce qui se passait hier dans les différentes ligues de soccer de notre secteur. Parlons maintenant de Gabriel Savard de Dolbeau-Missassini. Gabriel Savard qui a participé récemment aux 10 km de la finale à Robertval. Elle a terminé 3e au cumulatif et première chez les filles. Et Gabriel Savard se disait quand même très très contente d'avoir réussi son objectif. Parce que j'ai amélioré beaucoup ma position l'année passée. J'étais arrivée 6e à la même compétition. Puis ça m'a fait gagner beaucoup de points, surtout pour la coupe Procolor que je vous avais parlé auparavant. Ouais. Fait que maintenant, je suis classée 3e. Okay. Il me reste une épreuve au lac Mégantic. OK. Et dans un deuxième temps, Gabriel Savard nous mentionne effectivement qu'elle ne vise pas nécessairement la traversée dès l'an prochain. Je vais être encore jeune. Mon objectif, ça serait juste de le faire dans 2 ou 3 ans. Mais puis là, c'est dans l'expérience que j'acquiers en faisant ces compétitions-là. L'année prochaine, c'est certain que j'aimerais ça remporter le marathon, la relève. Et dans un dernier temps, Gabriel Savard n'a pas aimé la part de la combinaison, encore une fois, même si elle a bien figuré. Non, j'ai trouvé ça difficile pour de vrai. J'ai eu vraiment très chaud. Ça m'a un petit peu... Ça m'a inconvenu un petit peu. J'étais inconfortable. Je me sentais pas super revenu parce que j'avais trop chaud. Si à refaire, je pense que je le mettrais pas parce que j'étais optionnelle. Okay. L'eau est à 19,5. Mais c'est sûr que c'est une meilleure expérience. C'est embêtant de prendre la décision parce que c'est désavantageux par rapport aux autres qui, eux, le mettent. Mais là, dans ce cas-là, j'ai vraiment trop chaud, j'ai trouvé ça très difficile. Fait que je pense que si ça refaire, je le mettrais pas. Mais c'est intéressant comme expérience parce que la prochaine fois, je vais faire une décision plus éclairée, c'est certain. Parlons d'athlétisme maintenant. Belle initiative du Club du Mille Tigre de Beau de présenter un festival de l'athlétisme. Et ça se déroulait samedi dernier. Et on avait divisé les membres du Club du Mille en différents groupes et on faisait des compétitions. Donc au 100 mètres, c'est l'équipe 3 qui a remporté la victoire avec un pointage de 110. Saut à longueur, c'est l'équipe 3 encore une fois qui a remporté avec un pointage de 125. 400 mètres marche, encore une fois l'équipe 3 avec 128 points. Au lancer du poids, c'est l'équipe 1 qui a réussi le meilleur fiche avec 116 de points. Au 800 mètres, un gain de l'équipe 3. Également, au saut hauteur, l'équipe 1 a remporté la victoire et au relais 400 mètres, à noter que c'est l'équipe 1 qui a remporté la victoire. Donc au total, au cumulatif, c'est l'équipe 3 qui a été la meilleure avec un pointage de 739. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, table ronde avec Marc Fortier et Marc Tardif, où on a parlé évidemment du décès de Maurice Filion. On s'est aussi entretenu aussi hier avec d'autres intervenants du monde du sport. Marc-André Leclerc qui vient nous parler évidemment de la traversée internationale du lac Saint-Jean qui s'est déroulée le samedi sous un soleil radieux. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.